Chapitre 21. Après que Jacques eut longuement prié sur la tombe de l'homme qu'il avait aimé comme un frère et dont il se reprochait la mort, le docteur l'emmena et lui dit « Qu'allez-vous faire maintenant? Écrasé de douleur comme vous l'êtes, vous ne pouvez pas rentrer immédiatement dans cet appartement qui éveillerait en vous de trop cruels souvenirs. Je prends quelques jours de congé et je vais les passer à Orvieto, que je ne connais pas. Accompagnez-moi, voulez-vous ? » « Vous êtes, répondit Jacques tristement, le meilleur des hommes. Que ne vous dois-je pas déjà pour la sollicitude dont vous m'entourez depuis 2 mois ? J'accepte de vos services et vous remercie de me sauver de la solitude. » Ils furent absents pendant 15 jours à peu près. En rentrant chez lui, Jacques trouva un paquet de journaux et des lettres. Sur l'une d'elles, il reconnut l'écriture de M. Passemard. Il l'ouvrit et lut. 25 janvier 1878. « Je ne veux pas, mon cher Jacques, laisser à la presse le soin de t'annoncer le mariage de ton ami André. Je profite donc d'une interruption de séance pour t'écrire de la chambre, où il n'est question en ce moment, dans les couloirs, que de mon projet de mise en accusation des ministres ayant appartenu au gouvernement de combat. Je donne pour mari à ma fille le vicomte Roger de Morincourt, d'une très ancienne famille de Lorraine. Tu connais assez mes sentiments pour savoir que ce n'est pas un titre et des armoiries qui ont déterminé mon choix. Mais la certitude où je suis de faire entrer dans ma famille un homme de mérite. Tu avais des préventions contre lui, elles disparaîtront quand tu connaîtras mieux mon gendre. J'ai toujours été partisan de ces unions qui mettent une grève plébéienne sur une vieille souche aristocratique. Je ne crains pas de te le dire. Comme je l'ai déclaré à mes collègues de la gauche, qu'elles préparent la réconciliation de l'ancienne France et de la nouvelle. Ce mariage est donc à mes yeux plus qu'une fête de famille. Il a pour moi la valeur d'un acte politique. Il donne une solennelle consécration aux principes qui me sont chers. » Jacques acheva la lecture de cette lettre sans manifester d'émotion. « Allons, pensa-t-il, j'avais raison d'affirmer à mon pauvre mari que j'étais guéri. » Il jeta un coup d'œil vers l'alcôve et se prit à dire tout haut, d'une voix qui fit passer un petit frisson dans ses veines. « Oui, mais lui aussi, croyait l'être. L'était-il ? » Il resta pensif, songeant à cette horrible agonie dont il avait été le témoin. Après avoir soupiré profondément, il prit sur la table un numéro de la soirée parisienne et se mit à le parcourir. Ses yeux tombèrent sur une chronique de Veloutine, propriétaire et principal rédacteur de cette feuille. « Yo, Imen, yo, Imen !» Ainsi chantait la troupe des Éphèbes sur les rives de l'Ilissus, quand le prêtre d'Aphrodite unissait les mains des hardis jeunes gens et des pâles épousées vêtues de lin. Entonnons un autre tour, un joyeux « Yo, Imen !»« Yo, Imen !» Hier, en effet, a été célébré le mariage de Mademoiselle Passemard et du vicomte Roger de Morincourt. La jeune fille est fille du riche industriel qui vient d'entrer à la chambre. Le mari appartient à l'une des plus vieilles familles de cette patriotique province qui est donné à la France Jeanne la bonne Lorraine. Les Morincourt sont bons vicomtes depuis 7 générations. Ils portent d'or à l'aigle de Gaulle. Un Morincourt combattait à côté du roi Jean à Poitiers en 1356. Un autre servait à Marignan en 1515, sous les ordres de chevaliers sans peur et sans reproche. L'héritier de cette race de preux est un de nos plus sympathiques écrivains. Son talent de peintre est également marqué au coin d'une vigoureuse originalité. Madame la vicomtesse de Morincourt, hier, Mademoiselle André Passemard, sera la digne compagne de ce gentilhomme doublé d'un artiste et d'un poète. Elle-même possède un fort joli talent de peintre et expose depuis 2 ans des toiles que la critique n'aurait point dû laisser passer inaperçues. C'est de plus une de nos fines diseuses. On se rappelle le succès qu'elle obtint en détaillant avec un art exquis, dans une soirée donnée il y a quelques mois par la baronne Samuel Ganoc, le fossoyeur, poésie d'un souffle étrangement puissant, dont l'auteur est aujourd'hui son époux. Que dire du luxe déployé par nos jolies mondaines à l'occasion de cette cérémonie? À qui donner la palme de l'élégance, de la distinction ou du goût? À personne, puisque vous la méritez toutes, mesdames. La mariée, dans sa robe de satin blanc à longue traîne couverte de points d'Alençon, se détachait au milieu de 100 autres beautés, comme un lys qui domine un parterre de fleurs. C'est un succès incontestable pour le Phébure, l'habile couturier de la rue Royale, dont les créations de ces derniers mois peuvent lutter sans désavantage contre les plus heureuses conceptions de ses rivaux. Affluence énorme. Remarquez dans la foule le comte de Sassoferrato, ce grand seigneur italien qui aime les arts, les protège, et met sa fortune de Crésus au service de sa générosité de mécène. Le baron Altenheim et la baronne, idéale, sous sa capote rose, avec ses grands yeux de gazelle, dont le regard velouté fait des caresses qui sont des blessures. Le baron Gaëtan de Salbris, monsieur Passérieux, le héros de la dernière séance du cirque Molière, où il a soulevé une tempête d'applaudissements en présentant à la fine fleur du high life parisien une oie dressée en liberté. Une telle masse d'amis et de connaissances appartenant au monde de l'industrie, de la finance ou de la politique se pressait dans l'étroite sacristie de la Madeleine quand le défilé a duré plus d'une heure. Au dernier moment, paraît-il, la jeune vicomtesse, succombant à la fatigue et à l'émotion, s'est sentie indisposée et a eu un léger évanouissement. Les soins diligents de la meilleure et de la plus tendre des mères ont eu bien vite raison de cette petite défaillance. Ridete veneres cupidunesque. Jacques, après avoir terminé la lecture de cette chronique, haussa les épaules, laissa tomber le journal à terre, se promena de long en large dans l'atelier pendant une heure, en paraissant méditer profondément, puis se mit à écrire. Ce n'était point la fatigue qui avait provoqué l'évanouissement d'André. Monsieur de Garmante s'habillait pour aller à l'église le jour du mariage, lorsque le chasseur du cercle lui remit le billet laconique et désespéré où Jacques lui annonçait la mort de son ami. « Ah, les malheureux enfants !» s'écria le comte. Il se laissa tomber dans un fauteuil, accablé par le douloureux étonnement dont cette nouvelle venait de le frapper. « Et pour cette femme, » pensait-il, « cette femme qui s'est moquée d'eux et qui se marie en ce moment. » Il acheva sa toilette, sortit, se dirigea vers la Madeleine et entra dans la sacristie l'un des derniers. « Je commençais à ne plus compter vous voir, » dit André. « Si j'arrive un peu tard, madame, c'est que je ne voulais point me présenter devant vous sans mon cadeau de noces. C'est une nouvelle que je vous apporte. « Vraiment ? » dit-elle avec un peu d'inquiétude, car l'air du comte était étrange. « Permettez-moi de faire signe à monsieur de Morincourt que je voudrais vous présenter et qui s'oublie là-bas avec ces messieurs. Inutile. Ma nouvelle n'intéresse que vous. Henri Mareuil est mort. » Elle devint plus blanche que son voile et dit en se raidissant, « Mon Dieu, que m'apprenez-vous là ? Comment cet affreux malheur est-il arrivé ?» Il se pencha vers elle, et la foudroyant du regard, il dit d'une voix terrible, « À Rome, madame, dans l'atelier de Jacques Henriot. » Quelqu'un s'approcha d'eux, il se redressa aussitôt et ajouta négligemment, « En jouant avec des épées, c'est un bien fâcheux accident, n'est-ce pas ?» Elle s'affaissa sur elle-même, tandis que le comte fendait un groupe pour aller saluer madame Passemart, dont la figure épanouie et larmoyante, comme ses masques qui rient d'un côté et pleurent de l'autre, exprimaient avec éloquence les sentiments complexes dont les mamans sont agitées ce jour-là. La semaine suivante, M. de Garamante reçut une nouvelle lettre de Jacques, celle-là même que le jeune homme avait écrite après la lecture de l'article de la soirée parisienne. Henriot annonçait l'intention de quitter l'Italie pour faire un long voyage en Orient. Il allait réaliser son petit capital, vendre ses tableaux, ses meubles, quelques objets d'art qu'il possédait, et partir au plus tôt pour Athènes, Constantinople, Smyrne, la Syrie, l'Égypte. Quand reviendrait-il ? Il ne le savait pas lui-même. Pas avant un an, sans doute. Il avait besoin de voir du pays, de fuir Rome surtout, afin d'échapper aux remords et à la tristesse que lui inspiraient les lieux témoins de la mort de son ami. Le comte recevrait de ses nouvelles. « Allons, » pensa M. de Garamante. L'un à 6 pieds sous terre, l'autre en Orient. Madame la vicomtesse de Morincourt ne sera pas troublée dans sa lune de miel. »